Faut-il opposer l'homme du jour et l'homme de la nuit? L'homme du jour et l'homme de la nuit, ce sont deux expressions dans une même image, finalement, empruntées à Gaston Bachelard. Gaston Bachelard, un philosophe qui a toujours opposé en nous, dans l'être humain, deux figures. L'être scientifique, qui réagit d'abord contre son instinct naturel, pour qui sa vie est plus un obstacle qu'autre chose. Par exemple, quand il veut comprendre la nature de la chaleur, il doit oublier l'expérience du foyer, la douce expérience qui fait que le feu est même dans l'eau de vie, dans ce cordial, dit-il, dans la psychanalyse du feu que nous buvons devant la cheminée, comme s'il y avait un feu extérieur devant lequel nous rêvons, et un feu intérieur qui nous brûle et qui nous réchauffe, qui peut aussi nous détruire, qui peut nous réduire en cendres, et qui donne lieu à tout cet imaginaire du phénix qui renaît de ses cendres. Mais, pour Bachelard, l'accès à la thermodynamique, l'accès à la science de la chaleur qui régit les mécanismes de l'univers suppose de rompre avec cet imaginaire qui est pour lui ce qu'il appelle un obstacle épistémologique. La psychanalyse du feu, c'est la psychanalyse de ces inconscients qui nous empêchent d'accéder à la vérité scientifique, d'où l'opposition chez lui de l'homme de la nuit qui rêve, ce rêveur avec l'accent bourguignon de Bachelard d'un côté et de l'autre côté l'homme du jour qui accède à la clarté du concept. Oui, nous connaissons tous cette zone moyenne où les songes nourrissent nos pensées, où nos pensées éclairent nos songes. En nous, les caractères nocturnes et les caractères diurnes s'unissent, se mêlent, s'animent réciproquement. Ainsi, chez Bachelard, dans cette voix extraordinaire, bourguignonne, au coin du feu, voyons-nous cette rupture qui cherche aussi à rendre justice à l'un et à l'autre, mais qui maintient entre eux une barrière infranchissable. Et ainsi, nous voyons-nous divisés, malgré tout, clivés, peut-être un peu schizophrènes. D'un côté, le rêveur, de l'autre côté, le savant, celui qui rêve devant la flamme d'une chandelle et celui qui cherche à en comprendre le mécanisme. Ce divorce est-il irrémédiable? Eh bien, sans doute pas, même chez Bachelard lui-même. Pourquoi? Parce que dans quelques phrases très rares, Bachelard nous explique que qu'il soit en train de lire un livre de poésie ou de travailler une équation mathématique, il est en train surtout de rompre avec des souvenirs douloureux, cette expérience du deuil, cette expérience des ténèbres. Au fond, il y a deux lumières, il y a la lumière de la bougie et la lumière de la raison, et pour Bachelard, elle s'oppose aux mêmes ténèbres, aux mêmes gouffres. Ainsi, le poète qui creuse les images, qui les approfondit, nous aide aussi à maîtriser notre propre terreur, de même que le savant nous aide à maîtriser la nuit du monde. D'une certaine manière, chez Bachelard, le poète et le savant s'unissent contre le malheur humain, contre la détresse nocturne, contre ces ténèbres qu'au même moment Jean Kelevitch aussi cherchait à maîtriser, aussi bien par le nocturne de Chopin que par la science et par la philosophie, bien loin de les opposer. Non, l'homme du jour et l'homme de la nuit ne sont pas irrémédiablement opposés. Nous sommes l'un et l'autre. Dans la nuit, nous rêvons parfois des cauchemars et dans le jour aussi, il y a des massacres et des malheurs. Et finalement, Bachelard lui-même, bien loin de les opposer, comme le voudrait une lecture trop scolaire, comme même il nous le dit avec son accent inimitable, Bachelard lui-même a tenté de les réconcilier et de nous transmettre avec ses deux visages l'unité de la philosophie.